Chapitre 266, l'interdiction d'insulter injustement un musulman. Allah Ta'ala dit: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. 1559. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Insulter le musulman est un acte immoral, fusurq, et le combattre est un acte de mécréance, kufr. » Al-Bukhari et Muslim. 1560. Abu Dhar, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Nul homme n'en accuse un autre d'être immoral, fisq, ou mécréant, kufr, sans que cette accusation, si elle n'était pas fondée, ne lui retombe dessus. » Al-Bukhari. 1561. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque deux personnes échangent des insultes, le péché retombe sur celle des deux qui a commencé, tant que celui qui a été en premier injurié ne dépasse pas les limites. » Muslim. 1562. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme qui s'était enivré fut présenté au prophète, alayhi salatu wassalam, qui ordonna « Frappez-le ». Abu Huraira ajouta « Certains parmi nous le frappèrent de la main, d'autres avec leurs sandales et d'autres encore avec leurs vêtements. Lorsqu'il s'en alla, quelques-uns s'exclamèrent « Qu'Allah t'humilie !» Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors « Ne dites pas cela, n'aidez pas Satan contre lui. » Al-Bukhari. 1563. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « À celui qui accuse injustement son esclave d'avoir commis la fornication sera appliquée la peine légale, 80 coups de fouet, le jour de la résurrection. » Al-Bukhari et Muslim. 1564.